Ce jeudi à Assemblage requis, Maxime Muller-Amé fait son fendant, nous faisant entendre la musique qu'on connaît pas encore dans son bloc télécharge quoi. Et les gars de Vidon Ladon la question nous fendent la face en deux avec leur capsule d'humour extrême. Tout ça à Assemblage requis, aujourd'hui, 15h.